À l'occasion du 105e anniversaire de naissance du président Kim Il-sung et du premier anniversaire de la promotion du dirigeant suprême Kim Jong-un au poste de président du Parti du Travail de Corée, la Russie a fait paraître les livres « Soleil de l'amour du peuple » et « Souvenirs envers les grands hommes » et le recueil de poèmes « Azalée, fleur de l'amour » et « Je chante la Corée ». La cérémonie de parution a eu lieu le 5 à l'Université de la Civilisation Mondiale. Y ont pris part les personnalités du Parti démocrate libéral de Russie, de l'Association russe pour l'amitié et la coopération culturelle avec la République populaire démocratique de Corée, de l'Union des écrivains de Russie et de l'Université de la civilisation mondiale et autres habitants, ainsi que l'ambassadeur coréen en Russie et ses collaborateurs.